reste, reste encore avec moi sur mon corps, dans mes bras enlacés, essoufflés, assouvis, étourdis, reste au chaud, alangui dans l'enclos de la nuit, sur mon cœur sans pudeur et perdu, presque nu, reste ainsi sur ta faim. Détendu, reste là, sans un mot sur ta joie, sur ma peau, dans l'espoir, dans le noir, jusqu'au jour, mon amour.